femme que des hommes, perdu d'innocence, ils fabriquent des anges, on les habite l'homme. Fabrique des anges, perdu d'innocence. Fabrique des anges, les habite l'homme. Petite industrie, bizarrement mélange.